travers, tu n'as pas d'erreur, pas d'erreur. Quel coup de rein quand tu back it up, back it up. Demande-moi la terre, je suis sérieux, sérieux. Je peux te rendre zen zen sans fumer la beuh. Merci à ta mère, tu n'as pas d'erreur, pas d'erreur. Quel coup de rein quand tu back it up, back it up. Demande-moi la terre, je suis sérieux, sérieux. Je peux te rendre zen zen sans fumer la beuh. Pour toi je peux d'être tout de suite. 22, 22, tu leur fais prendre la fuite. Comment tu peux rester lucide quand la moitié de la terre te veut de jour comme de nuit? Stop tout quand tu défiles. T'aimes nous montrer qu'on est tous morts dans le film. Tu dessines un S de profil, t'es mi-vulgaire, mi-charismatique. Sur Instagram, dans tes DM, il pleut. Tu fais semblant de nous faire croire que tout le monde peut. Pas d'homme fragile, pas de polygame, ni type. Fini de prendre des risques, tu fixes les règles du jeu. On aime les femmes qu'on du style. Celle en flic de la semelle jusqu'au cible. Celle qui montre que c'est impossible. Celle qui n'ont pas besoin qu'on leur dise. Merci à ta mère, tu n'as pas d'erreur, pas d'erreur. Quel coup de rein quand tu back it up, back it up. Demande-moi la terre, je suis sérieux, sérieux. Je peux te rendre zen zen sans fumer la beuh. Merci à ta mère, tu n'as pas d'erreur, pas d'erreur. Quel coup de rein quand tu back it up, back it up. Demande-moi la terre, je suis sérieux, sérieux. Je peux te rendre zen zen sans fumer la beuh. Tu es problématique. Tu me vois comme un yavoi judge dans sa zine. Parle au français bien que je t'explique comment je vois les soirées pas loin du style romantique. Hey. Noir total 4-5 bougies. Elles sont pas trop forts, l'album d'R. Kelly. Rose rouge sang dans le jacuzzi. Parler des gens jusqu'à pas d'heure. Peignoir gang après minuit. Netflix nous tient seulement compagnie. 48 degrés dans le lit, les draps retiendront nos odeurs. Merci à ta mère, tu n'as pas d'erreur, pas d'erreur. Quel coup de rein quand tu back it up, back it up. Demande-moi la terre, je suis sérieux, sérieux. Je peux te rendre zen zen sans fumer la beuh. Merci à ta mère, tu n'as pas d'erreur, pas d'erreur. Quel coup de rein quand tu back it up, back it up. Demande-moi la terre, je suis sérieux, sérieux. Je peux te rendre zen zen sans fumer la beuh. Ouais. Back it up, back it up. Back it up, back it up. Back it up, back it up. Et je nous back it up, back it up. Back it up, back it up. Back it up, back it up. Back it up, back it up. Et je nous rends dingue.